Le grand monsieur en couverture cachait des sourires dans ses yeux. Au fond de sa poche, un arc-en-ciel pour lancer des flèches hirondelles. Il a sorti le grand foulard blanc, tout ce qu'il faut pour faire un printemps, avec des arbres et fruits qui dorment et des lutins de toutes les formes. Monsieur le magicien, je t'aime bien, mais je t'en prie, fais-moi gagner juste une fois à la loterie. Juste une fois. Du creux de son tuyau de piastres sont mis à sortir des trésors, des couchers de soleil sans pareil, direct du pays des merveilles. Des grosses bottines pour botter le cul de tous les marabouts de ma rue. Une gomme à effacer les dettes, un changeur de problèmes en miettes. Monsieur le magicien, je t'aime bien, mais je t'en prie, fais-moi gagner juste une fois. À la loterie, juste une fois. Il m'a parlé du grand amour en me changeant en troubadour. Il m'a dit que c'était bien toi qui devais m'amener là-bas. J'ai laissé tomber la loterie quand il t'a glissé dans mon lit. Et j'ai cessé de demander parce que je t'avais enfin trouvé. Monsieur le magicien, je t'aime bien, un gros merci. Tu m'as donné la plus merveilleuse des loteries. La plus merveilleuse. Le grand monsieur en côte à queue est reparti pour d'autres cieux. Au fond de sa poche un arc-en-ciel pour lancer des flèches hirondelles. Il a repris son grand foulard blanc après m'avoir laissé le printemps. On l'a salué de la main, on s'est changé en magicien. Monsieur le magicien, on t'aime bien. On t'aime bien. Un gros merci. Nous avoir fait changer de loterie, changer de loterie.